Nuisance au pluriel entre parenthèses. L'émission qui nuit au sens au pluriel entre parenthèses. L'émission de toute la nuisance, les nuisances. La musique, c'est pas mon truc. Je ne souris pas non plus de consolation dans la vie. Me morfonge ? Oui, je le crois, car de prime abord, la relative nomenclaturance n'obstruerait pas plus à partir d'un certain degré de non-pratique. Mais, mettant bout à bout les choses, on se doit de continuer à ne pas nomenclaturer. I can't tell I'm dying except sometimes I do. S'amuser? Pourquoi pas? Pourquoi en faire du profit après tout? And that's the whole thing about it, I don't. C'est pourquoi je ne me préfère pas, car je vois ce que je suis. So where is the rabid dog? Could it die, please? Et c'est là le drame d'une vie, à ne pas confondre. L'on en finit hébété, sans finir pourtant de ne pas être. Non, silence. Thank you. récurer, la recuire et la remanger, s'alimenter ainsi comme brûler les bouses de yak, et c'en est fini un jour de tergiverse. Souffre en moi, tu pues moi, t'entends, je, non, rien, t'entends, j'entends pas, trop peur de gérer, j'ai peur, j'ai trop peu de scrupules, je mets de travers, je me, c'est décidé, c'est dévidé, la peur, je veux dire, la mort merdique, je veux, so here goes to dying, the hair green, for all I care for it, it is as it is, c'est comme c'est. Et pendant ce temps-là, c'est le temps. Impartir soi comme se réfléchir soi comme lumière, semblait inévident, ne permissive, actionne pas quoique. À jamais l'abscons, ainsi soit-il, so be it. Suchness is not a drag, it's not a hit either, nor is it a beating. Suchness is truly reality in its understanding. Well, it's partially infinite understanding. C'est de la poésie. Et c'est ainsi que débute une histoire de rançon. Rançon. Grossièrement dit, c'est toi ou la mort. Voilà, à toi de choisir. Voilà. And that's that dying like fucking oil. Holy ointment. La logique se met en abord de l'étang. Le flot se vide, brisé. Les éclats lumineux restent là, gisant, pour être amassés, triés, puis rien. Une partie indiscernable du reste de cet objet. Tu vois, et c'est justement ce que tu regardes, que tu imites, à en devenir une partie indiscernable du reste de cet objet. Le regarder, c'est pire que rien que de se bercer d'illusions, c'est nihiliste, et le rassemblement de cette sorte d'être, qu'en pouvant de l'autodérisoire solitude acméique à une acné égocentrique triste et nerveuse, oublier d'oublier, nous, l'on établit un lien entre l'image de soi et cet observé-là, l'illusion d'être accompli plénitude prend son envol. Après l'horreur, l'inconfort. Après la suite, la mer. Tuméfiant les placides azurés abscons ce territoire, la mer. Me tue-t-il ? Oui ou non ? Car de si en travers d'abscons, absolution damnée et terre née le 24 décembre 78. Le 24 décembre 78. Tout du moins, procréé, le lazur sur le voiture voit longuement mener la barque qui sonde, ronde, gronde, voilà. Ma perfidie se compose essentiellement de manque de confiance. Et donc, de peur que les autres ne me fassent pas exister par la vie, mais par la mort. La certitude foi, nomenclature, les cases de non-dit et les clos, jusqu'à les ouvrir, toujours au moment le plus inopportun, c'est dit. Je ne vois pas pourquoi je continuerai. Non, ce n'est pas vrai. Ça revient parfois. Des fois ça revient. Ça fait mal. Et c'est ainsi que d'ici à maintenant présent, les eaux brunissent. Quant à Kant, je l'encule tous et toutes. Where have you gone to me? Broken like a wire spreading its wings. En rivière azur, s'abreuvent les mers de sang vicié calmant, and one forgets that before it was another sort of being, non-being. Tu n'as pas fini l'énème. N'aimes-tu pas aimer? And as it goes, comme ce va, car ce qui est, est, et ce qui, non, non, oui, car ceci est la voie de l'abord de l'advertance émancipatrice. And as is said, the truth alters, is written, better be sleeping dead alive than cradled in superficiality and narcissism, through behavior. And is also, or should it be said, has been also, rather, you see them dead. Je ne te perçois plus par les sens communs, mais par le supérieur, le mental non-bestialité, formé par la présence de lumière. Cette lumière est la chaleur humaine qui éclaire. Mais en attendant que la chatte s'ouvre, l'amour reste inchangé, changeance. Changing, cause that's how it is, my dick, changing. Ça me blesse profond, merde. Démence partielle totale, merde, je suis seul. Les longueurs d'un ciboulot atrophié meuvent les moments. And the whole goddamn time, the various enmities resolve themselves. To the whole goddamn thingamajig. Sans faire d'association inopportune, je pressens l'accalmie. En somme. Seeing all as dead is futuristic in its principle, thusly, dynamically speaking, its practice is complementary to seeing all as alive, statically. Non seulement pas que je ne te me vois, pas ou plus ou moins ça, je ne suis pas de ceux désinvoltes qui obstruent ou presque. Tu ne me perçois plus que par le mental, non-bestialité, suprême lumière, auto-formante, auto-émanante, immanente. Cette immanence-là, je peux m'empêcher, ou plutôt de l'aimer, je puis sagement l'aimer. non pas que ceux qui souffrent ne soient moi, mais bon voilà quoi, here to it. Dying of jealous obsession, with jealousy, none can stand this, none, without madness, none but me. Ce ne cesse, it doesn't cease. No, it does not, but it fluctuates slightly. Toute chose est née de toute autre chose, n'est-ce pas? Mais mourir. Tout là-dedans est trouvé, la soluce dorée, non ou nomenclaturante, si, si, et c'est alors que tu ne perçois plus. You do not perceive, no. Eh bien, mourir, c'est comme l'azurer la cuillère de coque coincée. Nonsense. Non-sens. Obnubilation encombrant l'espace, enlevant la place qui pouvait y être disponible. I keep wondering how long I'll hold before going back to elsewhere. You know, elsewhere. Everywhere but everything. Nor there's here without fondling the middle way through who it's everything's I or fun-loving strengthens ever there to is so those flows as has dying everything or end been in the so here goes them ruptures they're not whole else who once fearing fair almost there goddamn thing. Alors que, obstinément, les pages s'entrelacent, elles, oui, elles, les pages s'absconcent littérairement vers un subalterne verbe transcendant, car de l'immanence autoproduite vient tout, et c'est tout, par advertance, je les qualifie tous de autres. Madness is taking its toll, against the wind of sanity, damn it. Et branlette après branlette, on avance vers sa branlée. Kill me. Kill me. Death. I'd like to learn you. Yes. Four, car back and forth, en avant, en arrière, up and down, en haut, en bas, et comme c'est par adverse non-territoire, par advertance, non-inadvertance en transit. Territoire, les terres désolées, désolant ça. You are just cause true and done, cause you being there is not enough. Here is the wannabe, the whole rummaging of glorious thoughts. I know, not I, you, yes you are, and not am, so tired of being bored. You will win a way to existence through it without even noticing it. Right? So goddamn, why don't you go there now? You may non-fear. Dispense now and here. Your thought, matter, you know. Pourtant, je me jubile. Je le vois encore. Alors ce n'est pas over. So it is not fini, fini, not yet, pas encore. There's a word about. Les codes. N'obscurcissant pas les codes, et bien les non-codés. Ainsi va la chose susdite, bite, subite, même que c'est vrai. Façon de faire prime, de prime abord, d'abord, prime. Puis vient le combat avec son propre alter ego démesurable. As in ever forever, comme dans toujours, toujours, fluctuation toujours, se peut sembler. Inorthodoxe, et c'est l'est orthodoxe, alors non-fluctuation égale mensonge. population equals lie. Toujours l'incantatoire, jusqu'à la déraison, jusqu'à juste avant la mort. Good trust, and there it is. And I hear you. Scream me again, death, death. And only once, please. You're also as transparent as a bat in sunlight. Vulnerable. I am through the existence of others. So be I, and so be you. Kill me. Si je pouvais me plaire à être. Je ne serai plus. Alors, plus rien. Pourquoi se plaire? Car être. Être suffit. Et le soi. Par le non-soi. Se rappelle l'être. It reminds of being. Noticing. All but heavenly dispatchings. Je me souffre. C'est là. Tu dois me tuer. Par peur et courage, s'il te plaît. You are as I love you, that's for sure. So here goes to choose. And what about honors? What about them? I don't mean shit. Quand ce sera fini, ce continuera à être infini car le temps, c'est pas trop tôt, tue-moi. For, as I have said, as I have done, car c'est de turpitude qu'est née la vase au fond du cercle infernal. You chosen life over death because you love. That. Les obscurcissements criés de travers en long et en large. It seems like you anything I give away from myself. I refuse so damn much. Je ne peux me l'affirmer. La place doit être remplie pour être usitée. Le temps passe sans trépasser. Pas que l'on était dans le besoin, mais bon, voilà. When may I be serene? You are perceiving at last the lastings of an acrid and rancid disfavorment of your own little person. And Cupid, too. You are. Lâchez prise. Laissez aller à lâcher prise. How may I be? Pour toujours à jamais toujours, je dis. C'est la chose susprédite qui en joue la globale assise en fondement lancinant qui pète le hallucinant halogène allumé par altérité. Al n'est pas, c'est et c'est tout, ce qui signifie pourquoi jalouser le martyrisé. pour en faire l'objet de reset. C'est ça, hein? Deux? Non. Not one, two to keep busy. I'm not. Et c'est ainsi que l'azur bleuit l'atmosphérique ambiance interne. Non soi que le soi. Oui. Non soi que le soi. À qui ce soi? Non inné. Merde. Non inné merde. Tell me. I need to know. Le corps, cadavre à venir, pestilence d'entre les fiels, jusqu'à la mort. Et c'est ainsi que l'absence de redondance tue le rythme par l'espace. Et je, abscons territoire inadverse comme moi, ne suis plus. Voilà. Je suis comme ça, moi. Je persévère sans perdre la prise de temps. Voilà. So here's to the only thing I may. Write these lines. Écrire ces lignes. Plutôt. Oui. Plutôt crever. Et ben voilà. T'en crèves d'envie. Comme si. Les ancêtres mentent. C'est sûr. Car ils se trompent. So you never forget not to forgive yourself for forgetting. So what? Vous allez comprendre. La tête fait son boulot de six boulots. C'est à ce moment-là que se va plus loin, toujours mieux. Alors pourquoi pas la confiance? Forgiveness, I mean it. I don't go haywire. Just now or not. Je n'ai pas oublié, non. On ne peut le dire. Pourquoi pas? Là est la cause. Le pourtour de la Méditerranée. L'usage fait la parole qui fait l'être. So that's what I mean. Availability is only part of the problem solution thing. Mourir n'est pas d'augure. Non, ça c'est sûr au moins. Au moins ça, c'est sûr. Non, c'est vrai quoi. Je m'oublie dans l'être con, abject, vil, mécréant, dissolu, insatisfaite, purulence, que je suis pas. Non, c'est mort. Je suis tout sauf ce que je vois, mais je suis encore dans l'oubli de la formulation de ce vœu-là d'être. Unanimement, le décide. Je... You remember to remember. That's an effort. Yes, yep, yep. Faut crever, merde. Faut crever, fichtre, foutre, merde, oui. Tu ne peux pas dire que le temps se couvre. Avec tact, contact, tout d'abord. De prime abord, déprimé, mais non primant, car partageant la présence présente. Je me noue un vocabulaire composé et il te fait des misères. Not that I care for every single thing, not that. Pour toujours la folie, seul refuge, non. Combat, lutte. Choose anything but anything you do. Pourquoi pas, après tout enfin. Oui, mais oui, et non, non. You don't seem to know what I'm meaning at this time and space. Choose it against that, or is it the other way around, N? Car c'est l'enfer. Et c'est ainsi. La vie va au fragment. Et c'est ainsi que la redondance n'offusque point jusqu'au rire. I am pour se faire jusqu'à présent, alors where you go. No, I'm weird. Voilà la chose, dites. Dites-moi, oui. Et quand sommes-nous nés de la même étoile, hein? Où et quand? Alors je n'entendrai pas, non. I'll see. The way is cubely. Down, le travers, ne dépasse pas le port sidéen que j'aime. There, alors, I can tell. It is. Voilà. Ne te laisse pas tomber, c'est sûr. Tout est sûr. C'est vrai. Jusqu'où irai-je? Jusqu'au bout des limbes, pour toi. And that's where heading on has its limits, all of them. Les éclats de macramé ondulent les cadavres, corps exquis. Les aveux inadverses n'absconcent ce point l'infinie changeance. Deux nuits. Il aura suffi de deux nuits. Nobody around anyway. The changing is there. Néanmoins, le change est donné. Pour ou contre l'oubli d'oublier. Cosmology of sorts, of things, hanging around the feathers, plucked. C'est alors que survient le drame, qui survient alors la merde. Les inazures inabscons, inadverses, non-territoires, me permettent de calculer suffisamment, c'est-à-dire le moins possible. Un voyage, psychonaute, s'impose de soi vers soi par soi en soi. Te tuer? Te tuer? Pourquoi souffrir plus encore? Non. With tact, one or two or three or all may. Tout bon. Tout bonnement. Boucher. Il est bouché. Il n'en reste, nor less, ni moins, non more, ni plus, rien. Mourir? Pourquoi souffrir moins? Non, non, bon, c'est faiblement distillé, mais merde. Jusqu'à quand irai-je? Jusqu'à quand, mais quand penserai-je? Sont rien de compris, il n'y a. Et c'est ainsi que le virevoltement se place. Lonesome soul, charisma, bleeding, my money. God fucking shit, damn it. Et c'est alors que l'abcès furoncle brille de sa fureur de non-devenir, ou plutôt de devenir non. Dying again. C'est la bonne et vieille et bonne question, ça, oui. Pourtant, par advertance, tout est calme, comme anthropose. Je vois les autres vivre et mourir, c'est là la fin. At last, my final solace may be victorious if my pain changes. And since it changes, I've got a sole purposeful summit to attain then. Some more, and slowly, the top. We are all here together, we love. Nope, no way out of here. Dying, yes, with blood and cum. Comme j'allais. En travers, Le violet fantasmatique libidineux mortel gant de soie que je porte est absurde. Je suis bouché. In vitro. Disgusting? I don't think so. Jusqu'à présent, rien. J'attends patiemment la transmission. Alors que jamais, pour toujours, les mots, représentés par les mots, alors que, jusqu'à présent, le sublime, hallucinant, halogène, n'absout pas par non-culpabilité et par innocence, mais par absolution. Les prémices d'une action figurative fulgurante me permettent une certaine marge de manœuvre. Entre maintenant et ce moment-là, suis-je bon ? Le suis-je bon ? Bon, m'importe ce, et c'est tout. An as saying is what in the eye beholds there forever. For you, my love. So where have you gone to lately? Alors, la question demeure, jusqu'à être décousu, jusqu'à l'absurde divin territoire que j'absconce mais est complète. Pour ainsi dire, jamais ne rien dire, dire sans parler, en silence, subliminal, je me perds, le plus en avant. Merde, j'ai oublié d'éteindre la cafetière, merde, c'est clair. C'est clair. Au secours. Je ne suis pas seulement sexuel ou sexué. Je suis un être humain à part entière doté de multitudes de facettes, perspectives, points de vue, perceptances. Affecté, certes. Affectif, oui. Affectueux, aimant. Mais pas seulement. Je suis bouchonné. Comme un mauvais affect, je suis bouché. No, none of it. Come on, me. No way out of where, me. Alors que sans toi, je ne suis pas, non. N'oublions pas. Les cadences réfrénées sont bien plus profitables que le profit. They fly around, all around, yep. As it is, the demeanor is twisting the featherweight, the plucked matter of insane tea. Yeah, mais quand les choses codées se décodent d'elles-mêmes, que dit-on? I hate so bad and long I quote down to the aisles. De ces territoires naissent adversités non rivalisantes, bouchées, bouchonnées, les boucles blanches s'enchaînent, se lient. J'en supplie, toi, je ne m'aperçois pas les erreurs d'eux. Avec ou sans vernis, l'être humain peut le redevenir par l'usage de la mémoire et de l'imagination en vue de la création d'un imaginaire représentation du monde humain en travers. And around. Il a l'azur doré, pour jusqu'à jamais, à jamais, prendre l'envol, et les adverses territoires fondus par le feu coulent le long du corps, la boucle est bouclée, and around. Tout cela est illusoire, oui, all of that is shit, c'est la merde, et c'est de la merde. So as it comes, it goes. And as it goes, it comes. Yep, that's what it's all about, yeah. The shit's on me, dude. Way up hard down on me. Please, help me. Kill me. Please, kill me. Please, kill me. Tout me va. Car c'est en cela que l'abscisse de l'ordre donné, toujours en travers de gorge, en soutien qui n'est rien, que justement maladroitement bandé et rebouclé, Je n'ai pas su la mer avant la vue de celle-ci, non. Je t'aime. Ça gêne, la guerre. C'est vrai, c'est gênant. Et pour ainsi dire, jamais je ne t'aimerai pour ne pas se perdre, nous, and around, all around. Il y en a qui sont morts en pourrissant en attendant. Tact ou pas, tous s'en vont. C'est la mer des éléments, elle et il flottent en l'air in mid-space. So to whenever, as a sudden infantilizing of an error done to adverse territories of plucked insanities down on the me. Alors, qu'à présent, à maintenant, c'est la même bonne et juste chose. Je veux mourir encore pour toujours par toi, supplication. Là, là, j'ai dit jusqu'au non-sens, puis j'ai cessé la rature. Quant à la plume d'un oiseau envolé, une volée méritée. Pour autant que pleuvoir pluie, non, mais jar, mais jamais dans la discorde. Ainsi faire est bon, donc le faire ainsi est bon, meilleur même. Même quelqu'un ou quelqu'une de dysfonctionnel a un fonctionnement. La fin de la souffrance, de la douleur, de la souffrance infinie, les coups portés. Invention de toi persiste jusqu'à moi, inventions illusoires aussi, l'être T, illusion pour l'être et pourtant vrai, donc l'être se trompe. Cet être T là, il ne peut la voir ni la sentir, mais on peut l'être. Rarement, les potes sont des pique-assiettes, mais en même temps, rarement, les pique-assiettes sont des potes. Et c'est pourquoi je veux vivre. C'est pourquoi je nous veux vivre. Et alors que, c'est une formulation au visage. C'est ainsi que fondent les marionnettes auto-abusées sexuellement. Je demande bien plus, et là est le blême, blafard et livide problème. Aussi, oublions-nous l'œuf de feu, l'ordre cosmique auto-incréé, et c'est ainsi que l'on souffre de la vie, en vie, par la vie, et pour la vie. Se démène, soi-disant, pour ou contre, qui peut voir le son. Effectivement réel, désordre, c'est tout ce que j'ai pour moi. Des impératifs. It resides in corporalities. The capacities to create are numerous. Je ne transgresse pas, je m'ennuie. Je vis d'abat-jour déconfit. Pourtant, il n'y a pas d'autre. Il n'y a que l'autre qui n'est que malentendu. Alors que c'est la vie. Do not stare at the multitude. Watch out for singularity. And the whole time, same old shit. Dear doctor, cry on me, please. Manque de tact. Et c'est ainsi que se font les minorités, le sexuel. mask of security falls when one's lonesome self catches up with me. Not that caring est pour ainsi dire à jamais mourir. The shit, the whole way down to the lot of pits sweltering vers le bas qui facilite par oubli et rêve. And I don't know nothing no more, shit. That's for sure, yep. Yep. I haven't found the cause or causes. No, not yet. Autant écrit alors que j'existe. Me parle en incompréhensible, en inconcevable, en non-né, au continuum space-time discontinuement, car vivant, ou devrais-je dire vécu? That's that, like feathering lightly in the wind the whole time. Parce qu'on se territoire non adverse. My brother is an adverse being in health. La vie est difficile. It is so full of it, shit, I mean. The undulations, and I cram it in up all the way, shit. The meaning, c'est sûr. Comme si ce ne pouvait être que tergiversation et déblatérance. Computer science bores to death, that's for sure. By packs of it. Ce n'est pas facile, c'est difficile, et tout le contraire de complexe. As Homo Lupus Wolfman. C'est facile. Car l'aide m'apparaît pas plus que le bleu n'est déjà là. Il soit comme l'autre, elle, je veux dire, ouais. Pour ainsi dire à jamais. La trompe ne belle que de travers des jetés en l'air contre le sol ramené dessous comme à son bien entendu. Understands everything it knows, which is not much, is to be doubted. Yes. Alors que sans problème, il n'y a pas de solution, vous n'êtes pas peu. So to go, the way, up, the whole time, together, alone. Donc, as I was saying, I calm myself down, I cheer myself up. Avec plaisir, zizir, tu sais. You know pleasure, incité, suchness, give it to me. Possibility, come over here if you please. Non-thought silence is the sole way I have found to at least partial, if not unite, peace. It has a chosen goal. Abject territory of rounded square angles. Uncertainty. No anguish, rising, to the inner fortress, lodging, home. C'est beaucoup le non-soi que le soi. C'est beaucoup le non-soi que le soi. Et c'est ainsi que l'on nomme. C'est ainsi que l'on nomme. As if touching the surface. as a foreclosure of an act. A ritualized forgetfulness, not even as if touching the surface of the membrane is organic, up and away. Staying there does not unfold the layering. Seeing through them is singularity, or is it wishable for, or is this sounding crazy or psychosis? Where nothing happens, the mind of a schizophrenic structure, or rien ne m'appelle, tue-moi, s'il te plaît, élimine-moi, le mal, should I say, of psychotic consequences, admittable, the ones anyway, tends to, just so happens to be the way where we are trampling down these here flowers and bugs. La difficulté, elle aussi, m'obstrue pendant ce temps-là pour toujours. Est-il pas né, le poisson mort un jour, est-il pas né? Bend the effectivity of the thought patterns against the will of the round, the square, as I said. Le raide, raide, déride, en sonnantes et trébuchantes douilles, mais pas d'ampoule. Non, pas d'ampoule. The drumming of the files against the non-seeming like corridor of the staircase down to the morgue of Satan's bed, hospital, is beating in my heart, bien que mal-être n'absolve pas. Subject. Things are things. Not think 'em, reflect upon 'em and say. The magnet is energy and the energy muates. L'énergie mue, c'est sa caractéristique, sa qualité intrinsèque. Ce n'est donc pas continu, non. Thoughts, perceived as crucial, and their goal contents incline. I want obsession with us. Do I need obsession, I mean? Person to believe then in their contents against their illusions. Bien peu de moi. Intrinsic qualities laid out. Le soi s'oublie. Et non mais quand même, ce ne peut être encore une fois. Et pendant ce temps, la terre brûle de nos rondeurs, ou plutôt des rondeurs des nôtres qui se goinfrant tous, pacha, pastèque, ce sec cul qui pète, mais la forme ne peut oublier la mort. Se berne d'une dure en fait, doucement perçue, mélopée redondante. Je. En parlant de sélection sexuelle à nos jours. Incidemment, non que trop peu. Intellectually, light brings it. It's just limbo. L'enfer est pavé. And as I was saying, nothing moves like removal. Ashtray. Mieux vaut savoir être en possession d'une telle structure. I have found the goat in the river feather plucking against the winds. Là, twisted on the feather plucked feather plucking of a membrane surface. L'obsession réelle vient de l'interne inconscient, et les symboles de celui-ci, oui, car de ce fait, les absconcités bâclent là, l'étrange des étrangers, et néanmoins une obscurcie latence, ne tergiverse point d'ici à maintenant. Tact and bodily fluids bring light also, and I can tell. Et c'est ainsi que je remplisse le vide est impossible. Non. des mois qui traînent partout, moi, merde. Sont recherchés pour leur effet autant induit sur l'ego, une flagornerie. C'est alors que l'absconsité, territoire, inadverse, qu'est l'autre, ne déçoit plus. La musique manque stupidement, bêtement, cruellement d'esprit critique, noise. I can't tell. Je m'y connais. And je ne sais pas. Mais pas le pas scandinave, je n'oublie pas. Je tergiverse, merde, oui. Flatter l'ego revient au même, sauf que changement, entre-temps, il y a. Les yeux me traversent l'esprit comme un ravageur tant décrépit qui ne souhaite pas infini en direction de terre rendue inextricable par l'inconfortable. Et c'est sûr. Donc la perte de phase est l'effet. La soluce est l'évitement. Est déjà à sa place. C'est alors qu'apparaît comme réponse la réserve d'attitude en vue d'un relatif abaissement en altitude, par une descente, non plutôt une stable reprise d'élan en vue d'une remontée ou plutôt d'une continuité de la montée originelle intrinsèque. Masse caramélisée. Fais ce tribeur note qu'il y a en mort, de ainsi font que, haut en, ça les temps déploie les ivrés, et fil rouge ou crème, là qu'importe, là ce comme le buffet, comme le grain de fond, froideur, parchemin. Il n'y a rien de libre, en tout état de suffisamment bonne pensée. But. Le couloir n'en est pas. Je le rappelle, un, mais il est bien plutôt un tiroir de l'intérieur, fermé ce tiroir. So to say, death is never far. Rassure-moi, moi, s'il me plaît, merci bien. Voilà. Les phrases qui s'entremêlent nulle part mènent où elles se trouvent. Le cœur volontairement non obstruant est bon et juste, oui. Et je ne m'aperçois pas de l'installation en moi du mensonge du trépas arrivé. Expectative décevante d'avance. Away. Oust. Et les liens s'étoffent de broderie perverse. Intellectuellement. Car justification. Alors que déjà, j'ai absconci la tergiversation en inadverse. Et tout. Mais les étranges et... eux et elles ne résolvent pas le dilemme auto-incréé. Mais c'est là qu'est la lumière. Elle, la lumière, montre tout. Elle voit et permet de distinguer formes et champs oculaires de là à ici. And the banana vessel flies floating the fall against the wind. Or is it? No confessions will do anyway. La douleur ne fait que s'accroître en accroissement. Necro-feedback, tactfulness of sorts, c'est ainsi la nuit, what about it? Pour ainsi dire à jamais, entre ouvert de stupre, se fascine, oui c'est sûr, pourtant ainsi dire n'est jamais que, mais pas plutôt que, t'imagines le faire, oui c'est le début, premier pas, là, j'ai vu. Les obscurcissantes passions, ce qui se déploie. Only change may enlighten. La force réside dans la pratique comprise, soutenue et de volonté de la plus haute, intelligemment adéquate, adaptée des douceurs. Choisis la perdition, ou tu te laisses aller à lâcher prise sur le monde. en faveur de la lumière, et entre ces deux, là-bas, les réserves d'or s'amenuisent en faveur du plomb. Tout change. Aveu de terreur peureuse de la mère de car Papa Jacques a dit « Fais-le ». Certainly not freezing things whole, nor cutting, nor repeating, none of it. Pourra jamais simplement dire je t'aime, I love you, not. Toujours sera jamais pour toujours, c'est contextuel, cette observation. Que je n'ai toujours pas non songé que l'adversité n'obnubile point, et relative à un seul entier contexte, infini car en changement. J'en ai marre, je te dis. Mince le filet, plutôt le fil du filet qui ne rompt pas. Qui ne rompt pas? Et c'est là, à ce moment-là, pendant ce temps, cet espace que je ne me laisse pas bercer par mes rêves, soi-disant, mais comment vérifier, sans sembler tester les lacunes, mais bien plutôt les qualités. D'accord, sans univoque, c'est réciproque, haha. Le remplissage qui de se fait bon et juste remplissage. Gotta go away, gotta fly down all the way up, up, up, up and away. Pas que je ne change pas, non, je suis mort 100 fois. Le facteur temps. Les affaires du peuple, laissez-moi rire. Le gouvernement, intrinsèquement retardé par l'ambition, la luxure et l'envie. And as I was saying, the last whimsical, wimpy call, who cares, qu'en écrire? J'ai envie de mourir, mais pas encore, non, pas encore, non, pas encore, non. As in to be forgotten, to be relaxed, pain and stress here and... Course à la mort, je te spolie, t'entache, te crache du mucus rectal à la goudonnée moisie de ta dépouille dépouillée par les tiens oubliés. Laissez pour compte. Bon fait, malgré la pragmatisme. Not forgotten, but still, as in stasis. As in revolt of silence. Et l'amour est gai, et la compassion des hommes jubilantes aussi. Change to silent, non-thought, unqualifiable, non-tact. La grande méprise. Mourir. Comme attention intentionnelle. Faux. Et ce vrai le dit et le devient attentionnable. Dignité contre versatilité. Car d'ici à jamais ne peut passer la chose, mais bien en même temps. Forme différente. La cadence naturelle de refrainement est nul, et pour réfréner son désir de nature, le parallèle demeure, gardant l'humour, dans l'arche de l'apocalypse, ouais, oui, mais... Nada, Deva, rien ne m'aide plus rien, c'est ce que je veux dire, y suis-je, oui, je le sens partir, le stress. D'abord ici, puis là-bas, plus tard je mourrai. And I do not know what is for sure. C'est ainsi que je vois. As in seeing the anguish not being seen. Mais c'est alors, it is when and where and who. Les événements, the events, qu'en penser? Pourtant, quand l'un ou l'autre boite ne fait pas le poids, eh ben, I forgot the sum of things. I remember now my broken, bony shell, somewhat glorious, honorable, joyful feeling. Et la peur effraie, comme la chanson. La peur effraie, la rengaine. Et En ce temps-là, je prenais le café à la maison. Non que ce ne soit décevant. Mais pour toujours, à jamais ne pas se perdre. Pour ce que maintenant, je ne respire pas, j'expire. Je ne déçois, je conçois. Et enfin nommer, rature, qu'en dire. Pour ainsi dire de rien, alors que rien, they take their place all the way. None all the way none. J'avoue ne pas pouvoir mourir seul, besoin, nécessité, hasard, et c'est pour cela que je veux y rester, pour souffrir la douleur, et non, mais non, ce n'est pas cette tautologie de merde, sur vrai, yes, allez-y tous, à jamais, jusqu'à présent, pour toujours, à toujours, jamais, non. Se déployant en camion, plein de véhicules damnés par auto-dafé, des autres voies par la voie unique mais non singulière. Les autres, the others, don't listen, n'écoute pas. That's sure, sûr. Même que ce que je dis c'est vrai, jusqu'à remplir l'espace ancré par le silence interne. Ne mens pas. Don't lie. Even that what I say is true to the feeling of internal silence, sincerely seated, created by space. The place is now. The time is here. Yes, oui. La place est ici. Le temps parti. Contre le mur, en contemplation. Mais ça. Le terme tergiversé singement ne meurt pas avant usage. La somme de psyché en phase, ce qui signifie symboliquement uni, assis ou ami, amibe. Et c'est ça? Yep. And that's where the data stores, yep. It stores in itself, through it, itself, I mean, as usually, none set to heaven. Mets-moi ça là, s'il te plaît. It's not as if I were not dead. Not dead, not dead, already. Et qui en gros revient au résultat d'un compute égal à 1? L'entièreté. En la regardant, je m'aperçois de l'inutilité de cet acte. Voilà, c'est dit. Et voilà, ces choses changent par la volition, l'action de la volonté. Tout en traviole, direct, je suis mort, merde. Le jeu inimportant est fini. Et pourtant, ça fonctionne pas à pas comme une médiation éléphantesque. Sur mesure de traviole, peut-être un petit yaourt, mais cette fois, point de suspension. I've been hijacking the carjackers far too long. Now it's to my own ship, good for me. Comme si je n'étais pas mort, pas mort, pas mort encore. Et les roues du camion déploient l'interne d'un cockroach. much. As for me, fuck it. Fuck it the whole goddamn year of old. Le rassemblement à venir n'obstrue pas les divertissements. Le plein, pas les pleins, résume. Mais non, mille fois non. No, merde, shit. Alors que bitch at cul, yup. Dicking, pussying, assing, just like dying. Une parcelle de mon être, vue par reflet effectuel, se trompe. Oui. Les choses changent. Je me lève, me lave, m'habille, me frotte les joues et les paupières qui grattent et barrent. Je ne sais plus. J'ai oublié de voir la peine que je me cause de moi à moi par moi au monde. As always, things go on as of always, so it is. C'est de là, la merde, à maintenant, j'écris là et maintenant, englouti, fuck me, me. No damn hell, I've gotta know. It's not like I gotta get away, it's like an excitement, you know? Honestly, today is today, for sure, as now, forever, see what I mean? The apocalypse is near, brethren and dear, so's to it. And as I was saying, friendship, the eternal diamond, the faltering of decay, la putrefaction, l'oubli, souvenir, souvenir. Whereas, to none other I have not told the tale, it's for always. Non mais c'est vrai, le trémoussage, oui c'est vrai, et ce qui est vrai est vrai. May I uproot myself, non-associating. J'ai confiance en toi, je vois, comme tu es en vie, tu m'apportes envie de la vie. J'ai le droit de vivre. Se vit aussi et se repousse, oui, comme la limite. C'est comme mourir, tu sais, you know? Tu vois ce que je veux dire? Pour ainsi dire, à chaque fois que j'emploie, je pratique. C'est comme respirer, tu sais, respirer des champs de chiottes entiers. Le bleu du ciel s'obscurcit peu la nuit, mais plutôt le jour. La lumière n'est pas assez forte la nuit, non. Car en fait, tout est faussement fait. Faux, faux, faux, fake light. Bien que je ne me puisse ne pas me pouvoir, j'ai le droit à l'erreur. Pas de doute. Not that caring too much will do, no, that's for sure. Et l'esprit critique n'est pas esprit critiquant, même humoristiquement, non. Ici est ce que je voulais dire maintenant. Et c'est en deçà qu'elle se situe, elle. Alors que quand l'autre dissémina la totalité par parcelle d'hectolitres capitonnés, c'est bien ça, capitonné, c'est bien ça, jusqu'en l'enfer sur terre. Point d'interrogation. Ouh là là là là là là. It's the way that I feel when I'm doing this shit. Non que ce ne soit cohérent, c'est cohérent, c'est cohérent, c'est cohérent, con. Quite the studies are insanely centripying and unnatural. De rien à maintenant, pour ne jamais dire à jamais, pour ainsi dire. No doubt about it. It's on my side. Yeah, right, stupid. C'est là le non-drame de la transcendante subjectivité immanence externe. Now and on and here and there. That's how you remember. Quand même, la nomenclature n'obsédance pas la confiance en point. Pourtant, la placide lassitude n'advient plus. Ou est-ce déjà advenu et ad à venir? Moi et bof, non. Ni l'un ni l'autre. Ne pas advenir non plus à l'infinitif, comme si la situation est différente, oui c'est ça. J'ai le droit de me laisser vivre en paix. Non, que je ne sois de ceux qui mourir. Après le pont, connaissant l'azur, pas le fion, je ne m'échappe point. La relaxe résolve le problème de l'incapacité à résoudre celui du stress par non-stress. Différentes situations. La négation du stress, la non-vie, sommairement parlant. Nous n'avons pas vécu de situation différente que la situation que nous avons vécue ensemble pour ce toujours. Toujours ou jamais, jamais toujours, toujours jamais. Ambivalence. Je m'obstrue moi-même, l'air de rien. Là jusqu'à présent, moi-même. Jusqu'à quand même, moi-même, et où venir. De là à maintenant, toujours pour à jamais dire à jamais à. De la turpitude à maintenant, jamais. À la de là, à merde, et puis ça discontinue encore, loyal merde. Il est contraire d'être contradictoire à la vie, contraire de souhaitable. No side about it. I remember the non-formulated. Am I free yet? No, not quite. Le dénonce point ton allié si le perdre, si. Puisque l'on puit la volonté, autant ou mieux la concevoir bien née. Voulable. Mais de prime abord, abordage ou abordage, quelle différence Différenciation, deux points. Je ne suis pas Dieu, mais Dieu est moi, alors. I'm obstructing my own self. Happening is inconsistential. Le ritualiser. Oui. Dire que jamais à dire jamais pour ne point découvrir. Je ne doute pas d'une conjonction astrale difforme, je n'en doute pas. La déformation, la distorsion n'obstrue pas la pensée. Elle la déplace. Heureux. Les choses n'obliment pas le défini en faveur d'infini. Pont entre les jambes, le sexe est intransigeamment, le ventre pas d'accord. No fear. Nor any other affect will damage. None of it will have. Pour ne point à jamais ne pas découvrir la même chose. Je vais me faire un rituel de valeur, sexe, biologie, argent, feu, mort. À ne point faire, ne point se faire toucher, poindre. Allez, cet être nommable est temporairement, c'est sûr, et c'est tout. Where is everywhere? Does it include the space I occupy? No hunger. Sleep, little piggy. Down the drain, down the drain. Ne voyant en général pas le visage, je ne me reconnais plus. So here to quiet. Les idées m'échappent en travers. Despite the ignorance. Les choses changeant en route vers et par l'horizon du fond. Le calme noir. Le vivant blanc nuage protège par soi la couche interne. Le noyau, le cœur, par soi, donc par voile. The others will tell me. Will thou tell me for sure, fuck. La canalisation procède souffreteusement. Pas temps de déboire passé. No lust, no hate, no thing in fact. Placement in scavenging. Nous n'avons pas que fait. I will so I don't will. All that is for sure. It's all for over here. Même que c'est vrai ce que je dis, merde, oui. No creed. Pas de raison de mentir. No mess. Just the best of what. No reason to forget about it. I've got the reason to give me but you. Et le gars me parle sur un ton franchement obséquieux, non, etc. When I look in the mirror, I see form emanating from mirror. Perspective. No race, non. Non que je le dise, le fesse, comme fait ou rendu nomenclaturé le choix. Non, mais pas que je ne sais ce point, mais que je ne sais ce point d'en profiter. That's that. It's for a longing for best of. And as I care, I don't freak out. I will. So be it. So's to go. No will and none will. Different. Differentiation ability is. I have foretold the misspellings through knowledge. Consciousness, awareness, side effect, efficiency is a key. So as now is to never the wanna be in death or alive chosen to be accepted as evidently non-factus, illusion of non-veil. Et c'est ainsi que la mémoire vive et que l'on discontinue, oui. Et c'est ainsi que les choses changent vers et par déperdition et perdition non, respectivement. Formule pas, je déçois les auto-envoyés en enfer. Na, va te faire. Pardon. Enfin, dehors. Dehors. Dehors. Dehors. Dehors. Dehors. Dehors. Dehors. Dehors. Allez. Casque. Même casque. On a même casque. Pardon. Pardon. Enfin, dehors. Pardon. Pardon. Enfin, dehors. Pardon. Pardon. Pardon. Pardon. Pardon. Pardon. Pardon. Pardon. Pardon. Pardon. Pardon. Pardon. Pardon. Pardon. Pardon. C'est Nuisance sur Canal Sud 92.2 FM ou Canal Sud.net. Nuisance, c'est une émission qui parle beaucoup et qui fait pas grand chose parce qu'on a rien à foutre en fait. Et aussi, Nuisance, si ça parle de nuire aussi, de se nuire ou de vous qui nuisez à moi, tu vois ce que je veux dire. Et aussi, bah, si vous voulez bien arrêter, ce serait cool quoi, parce que vous faites un peu chier quoi, vous là-bas. Hein, ouais, vous faites du bruit, je trouve, vous me dérangez un peu, donc ça me fait des noises dans la tête et tout. J'ai bientôt amené un casse-noisette et je vais rien faire, je vais juste me broyer la face devant votre gueule comme un gros con. Arrêtez tout de suite, sinon je vais m'énerver sur ma gueule. Arrêtez, s'il vous plaît, quoi. Pitié. Sur Canal Sud. Thank you. Thank you. c'était Canal Sud 92.2 FM ou canalsud.net. C'est Nuisance, Nuisance, l'émission qui nuit au sens, l'émission de toutes les nuisances, qui annonce ce soir le festival Sonic Protest, qui se tiendra notamment le vendredi 24 mars à Meix-Arc-Méris, à Toulouse, en France. Donc le vendredi 24 mars, Sonic Protest avec The Flying Luttenbachers, Zoo, The End, Happy Wiz, au 12 rue Ferdinand Lassalle, Meix-Arc-Méris, le 24 mars, Sonic Protest. Sinon l'émission c'était Nuisance, Nuisance, l'émission qui nuit au sens, l'émission de toutes les nuisances, comme je vous l'ai dit, sur canalsud.net également, le téléphone le 05 61 53 36 95, l'adresse le 40 rue Alfred Duméry, le 31 400 Toulouse, en France, 31 400. Ouais, j'ai vérifié, donc c'est bien 31 400 en Toulouse, France. Voilà, donc tout est bon, on vient de tout vérifier, tout va bien, donc vous inquiétez pas, vous inquiétez pour rien, il n'y a aucune raison de paniquer, donc allez-y, foncez, quoi. Allez, passez une bonne écoute sur cette antenne.